Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès C'est Fou édition Franco. Bonjour et bienvenue à cette édition des Palmarès C'est Fou, édition Franco pour la semaine du 17 au 23 février 2010. Je m'appelle Mathieu Plante, très heureux de vous avoir avec moi aujourd'hui. Oui. Pour cette édition francophone, évidemment, on va avoir plein de nouvelles entrées. On va voir Orange Orange, oui, entre autres, tantôt. On va commencer avec Sabot Trio et Jenny Girls, c'est nouveau en 20e place. Leur album s'appelle Martini Extra Glaze. Tout de suite au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. Oh!

toi. Et pour la nuit, il dort auprès des deux amants. Mais les moments parfaits repartent au petit jour. De moins certain que les tristes humains. Et on attend qu'ils reviennent toujours. Mais les moments parfaits ne reviennent jamais. Chien parfait de l'amour ne revienne jamais. Mais si parfois deux personnes un peu seules laissent tomber les larmes sans que ce soit voulu, alors il reste un peu, un ou deux jours de plus. Alors il reste un peu, un ou deux jours de plus. Mais les moments parfaits repartent au petit jour. Rien de moins certain que les tristes humains. Et on attend qu'ils reviennent toujours. Chien parfait de l'amour ne revienne jamais. Jean-Leloup, les moments parfaits en 15e position. C'était nouveau la semaine passée, mais là, ça a monté de deux places. Avant, c'était le Husky avec 10 mois qui monte de deux places aussi. Ça vient de l'album Les Frères du Son, compilation volume 1. Et on a débuté le bloc avec Vincent Vallière et Février. C'était nouveau ça aussi, donc les trois sont nouvelles la semaine passée. Hein. Et ça, ça a monté de trois places. Dans le prochain bloc, on va entendre les Amis au Pakistan et Polyp, mais on commence avec une pièce qui descend de 10 places. Oui, 10 places. Voici Toutes les filles sont folles, moi, par Patrick et les Brutes. Ça m'a resté fou, 89.5. Toutes les filles sont folles de moi, comme au cinéma. retour, les amis au Pakistan, Bravo Funken et le nombre dans les palmarès C'est fou, édition franco. Numéro 12. Douceur, touché, grâce, finesse, tape sur les fesses. Pakistan et ma robe en papier de toilette en fait leur robe, là, pas la mienne, non, j'ai pas ça moi. Malchance. Ça monte d'une place, c'est en 12e position. Avant ça, il y avait Polype et Prince Citron qui descendent la 3e, donc chute de 10 places. C'est dommage pour cette pièce de Polype. On a débuté le bloc avec Patrick et les Brutes et Toutes les filles sont folles de moi. Ça descend aussi de 10 places. Donc, il y a deux pièces ensemble qui croulent comme ça sous la pression. Colin, on voit rarement des affaires crouler comme ça. Hein? Rarement. Dans le prochain bloc, on va entendre les Maléchés et le Nombre, mais on débute avec quelque chose que on dirait, tout le monde aime. C'est tellement bon, bravo Funkin. J'ai entendu Sophie en parler récemment à l'émission où on s'appelle On déjeune avec Simon Fisbé. Lundi au jeudi, entre 7h et 9h pour l'instant. Bravo Funkin, voici les animaux, tout de suite, au 89.fm. C'est fou, dans vos oreilles. Cette madame bleue qui court partout me fait sourire à mourir. Je respire. Une boule de feu qui brûle tous les pas de danse dans ma transe zoologique. Et moi qui mange dans ton cœur, et toi qui s'assois sur ma fleur, on joue ensemble aux animaux. Et moi qui danse sous le vent. Toi. On se trouve vendredi soir, je me prépare pour aller danser. Comme à l'habitude, je prends le bicycle que je viens de réparer. J'ai besoin de gaz, mais qu'il y en a deux, je m'en vais au garage chez Gauthier. C'est une vieille habitude d'aller chez Gauthier le vendredi soir, mais aujourd'hui c'est pas comme d'habitude, je viens tout juste de la voir. Elle arrive presque en même temps que moi, sur une moto sans âge qu'elle vient de réparer. Elle me dit, tonce-toi garçon, j'ai besoin de 100 plombs, les bottes de cowboy magadées, les jeans usés, la camisole ajustée. Bon, tout de suite, convaincu qu'elle était née pour moi. Suite à cette boutade plutôt bien envoyée, la belle a tout de suite remarqué la moto sans âge que j'avais réparée. Ça m'a pressé comme un coup de feu par quatre. Cette fille-là, je dois m'en approcher. J'aime son look, j'aime son baiser, j'aime sa façon de marcher. Je lui ai proposé une ride dans un coin reculé. Sans même sourciller, elle a accepté. On a roulé toute la soirée. J'ai même oublié d'aller danser. C'est plus ou moins important. M'a dit qu'elle était née pour moi. C'est bien simple, j'en shake encore. Ça fait deux jours que ça s'est passé. J'ai juste le goût de l'appeler. Elle m'a dit qu'elle était née pour moi. Information Les Mal Léchés avec Jean Chaik encore. C'est stable en 9e place. Avant, il y avait Le Nombre avec Sur ton île qui est l'ancien numéro 1. Donc, ça descend de 9 places. Et on a débuté le bloc avec Bravo Funkin. Et Les Animaux, ça monte de 3 places. Leur mini-album, leur maxi, s'appelle 1000 miroirs. Vous êtes dans l'édition francophone des Palmarès C'est fou et on se rend jusqu'au numéro 1. Vous l'avez entendu il y a quelques secondes à peine. Si vous portiez moyennement attention, vous savez qu'on a un nouveau numéro 1. Hein? C'est quelque chose qui a quand même monté pas mal. Mais avant ça, on a un autre bloc et en fait plusieurs. On a comme un paquet de blocs à faire encore. Il nous reste des positions à 8 à 2 avant de se rendre à la première. On va voir Mimi Van Der Glo en 7e tantôt, mais commençons par Valès Pariétaire. Ça monte de la 19e place. C'était nouveau la semaine passée. C'est Givresse. Au 89 FM, c'est la Radio Campus de Trois-Rivières. We'll be right back. sans le corps, ou c'est le sol qui me fait trembler. J'ai jamais voulu te frapper. Numéro 7. Mimi Vanderloo et Hitler en chocolat, 7e position du palmarès francophone. Ça monte de la position numéro 16. Et c'était une nouvelle entrée la semaine passée. Donc, gros bon pour Mimi Vanderloo. Avant ça, on a entendu Valès Parietta, qui elle aussi monte beaucoup, hein, de la 19e place. C'était aussi nouveau la semaine passée. Et c'est même pas encore sur un CD de Valès Parietta. Donc, c'est une pièce tirée de la compilation Les Frères du Son, volume 1, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le Ternet en ce moment même. Dans le prochain bloc, les positions 5 et 6, il va y avoir Damien Robitaille, hein, que, en tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup entendu cette semaine, et c'est bien normal, hein, parce que c'est ça l'idée du palmarès, c'est fou. C'est les pièces les plus aimées des animateurs de C'est fou. Donc, Damien Robitaille tantôt, mais on commence par la 6e, elle est stable. Voici Décapote de la Patère Rose au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou, édition Franco. Ferme le toit et fais ça.

numéro 3. Formation Monogrenade et la pièce ce soir en position numéro 3. Ça a monté de quelques places, hein? C'était la 16e position la semaine passée. On a débuté le bloc avec Éléphantine et Debout dans la file. Ça monte de 4 places. C'est en 8e, mais la semaine passée. Allez, pas mal, c'est fou. Édition francophone qui continue, hein? On a vu, même entendu plutôt dans l'émission, vers la mi-chemin de l'émission, que le nombre n'est plus en première position avec la pièce sur ton île. Donc on a quelque chose de nouveau et oui, c'est quelque chose qui a monté beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup. Je dirais un chat qui a monté dans un arbre. Vous verrez tantôt. On est rendu au numéro 2 pour l'instant. Par contre, c'est stable. C'est la pièce Mumu de Fred Fortin. On écoute ça à l'instant. Ma cabane est faite de rire et de prix fini. C'est Mumu, mon petit frère, qui un jour l'a bâti. Dans le simple but de se défoncer la tomate. À l'abri des chiens, des loups, des millions de primates. Contre la cravate. C'est Mumu, mon petit frère, qui un jour l'a abattu. Fortin et Mumu Stable en deuxième position. C'est une autre pièce de l'album Plâtrer la Lune qui pénètre dans les palmarès francophones. Voilà, on est rendu à la fin presque de l'émission. Il nous reste juste la position numéro 1 à entendre et ça a monté de 11 places. C'est assez incroyable. Je disais tantôt, c'est comme un chat. Il faudrait comme appeler les pompiers pour le descendre de ce sommet-là. C'est incroyable. Un chat qui, en plus, est incompris. Comme un artiste ou comme les animateurs de C'est fou. Et en première position. Du palmarès francophone pour la semaine du 17 au 23 février 2010. Avant de dire le numéro 1, comme toujours, on va faire un petit récapitulatif des 5 premières positions. En cinquième, c'est Stable, mot de passe de Demi Robitaille. En quatrième, Éléphantine avec Debout dans la file. En troisième, c'est Monogrenade avec Ce soir. En deuxième, Fred Fortin avec Mumu. Et on vient d'entendre le grand numéro 1, ça monte de 11 places. Sixième semaine de présence pour Charles Gainsbourg et le chat du Café des artistes. C'est l'idée du chat. Hey, un petit Mumu! Bon, donc c'est la fin, on se quitte pour l'instant. En fait, on va se dire au revoir tantôt. On va écouter une pièce d'un artiste qu'on connaît peu, très très très peu, parce que ça vient de faire son entrée en position numéro 20 du palmarès francophone, la formation Sabot Trio. La pièce qu'on a entendue en début d'émission s'appelait Jenny Girl. Là, on va écouter tout de suite une pièce qui s'appelle Break the Mountain. Et on revient, en théorie, pour se dire au revoir juste après. C'est au palmarès, c'est fou! Version francophone. We'll be right back. C'est la pièce Break the Mountain de la formation Le Sabot Trio. Leur album s'appelle Martini Extra Glaze, quelque chose du genre. On les a entendus plutôt dans l'émission en position numéro 20 du palmarès franco. Mais la raison qu'on le faisait rejouer, c'est justement parce qu'on les connaît très peu. Ils viennent de faire leur incursion, leur début dans les palmarès. Ils vont être en spectacle le 20 mars prochain. C'est à l'Inspecteur Épingle à Montréal. Allez voir myspace.com/Le Sabot Trio si vous avez aimé ça. Moi, j'apprécie. C'est très, très bon. Pour les auditeurs du vendredi, eux, ils nous quittent pour aller rejoindre les Lutins de l'Enfer qui vont commencer à 20h dans quelques minutes à peine. Donc, très bonne soirée à eux. Nous, les jeudis, parce qu'on est en direct les mercredis et jeudis entre 13h et 15h, on va continuer avec une demi-heure additionnelle où on va entendre d'autres affaires qu'on a entendues du palmarès, mais qu'on connaît pas encore tant que ça. C'est d'autres pièces de groupe de nos palmarès, si on veut. Et on va sûrement avoir de bons vieux classiques aussi, alors restez avec nous et à tantôt. Sinon, ben bonne soirée. C'est selon. C'est au goût. C'est la deuxième partie des palmarès, c'est fou, avec toujours moi, Mathieu Plante. Et maintenant que les auditeurs du vendredi sont partis, le bon débarras, on a semblé qu'on va pouvoir jouer un paquet d'autres choses qui ne sont pas dans les deux top 20, qu'ils soient francophones ou anglophones. Des fois, on passe dans le top 30 des CD, des fois, on regarde le top 6 électronique, le top 10 LAD, le top 3 des disques canadiens, le palmarès des radios universitaires et communautaires. Mais là, on va commencer avec des nouveaux artistes du top 20 francophones qu'on ne connaît pas assez. On les connaît un peu. Pas tous, en tout cas, on en connaît certains. Hein? Bon, bref. On va entendre tantôt la formation Feathership, qui est sur la compilation Les Frères du Son. On va aussi entendre du Polype, mais on débute avec Orange Orange. On les connaît pour leur extrait en ce moment sur le palmarès qui vient de faire son entrée, c'est Je suis le héros. Avant ça, il y avait Eu et je pleure. Il y a plein d'autres super bonnes pièces sur cet album-là. On va écouter tout de suite Montréal à moi. Ça se passe maintenant dans les palmarès. C'est fou! Au 89.fm. Plus beaux atours. Des milliers de

sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que c'est un 30 secondes de long fade. C'est ce que ça me dit. La formation Feathership et Candlelit, ça se retrouve sur la compilation Les Frères du Son, une compilation qui est dans le top 20 francophone en ce moment. C'est pour ça qu'on l'a écouté, parce qu'on aime ça découvrir d'autres affaires de notre top 20 des fois, une fois de temps en temps, comme ça. Au début de l'émission, tantôt, émission qui, par ailleurs, par le fait même, s'appelle Les Palmarès, c'est fou, édition franco, hein, qu'on continue comme ça. Je disais donc que tantôt, au début de l'émission, on a sauté par-dessus la 19e position, qui était une nouvelle entrée de la compilation de, sur la 14e édition des Francs ouvertes, la formation Turbo Distorsion et Gérant d'Estrade. Et d'ailleurs, j'ai la personne qui avait emprunté le CD devant moi, c'est lui Kiwan. C'est qui a emprunté ça? Kiwan. C'est pour ça qu'on l'a pas joué tantôt, mais là, on a la chance de le jouer, donc c'est super cool. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, on va l'écouter. Moi, je voulais même pas l'emprunter. En plus, je savais que t'en avais besoin aujourd'hui, puis il s'est retrouvé par erreur dans mes affaires après mon émission hier. C'est vraiment une erreur, Mathieu. Excuse-moi, je voulais pas te voler ton palmarès. Je suis désolé. Je te pardonne au bout. Est-ce que c'est elle que t'as écouté? Est-ce que tu l'as Turbo Distorsion avec Gérant d'Estrade? Est-ce que tu la connais? Non? Je la connais parce qu'on l'a déjà joué ici à l'émission, mais sinon, non, c'est pas celle-là que j'avais fait jouer. Hein. D'accord. Ben écoutons-la, puis on en reparlera après. Hein? Bon. Mais toujours dans la portion extra sauce brune des palmarès, c'est fou. Ouais, c'est vrai, j'ai même pas dit encore aujourd'hui. Moi qui aime tant la sauce brune. Gérant d'Estrade de Turbo Distorsion, c'est sur la compilation 14e édition des Francs ouvertes et c'est une nouvelle entrée en 19e place. Non, vous n'êtes pas arrivé en retard, non, vous n'êtes pas à l'avance pour quelque chose, le palmarès commencerait, non, on joue la position numéro 19 comme ça en plein presque fin d'émission parce qu'on avait sauté au début, donc c'est pas dans l'ordre et on a déjà complété le palmarès, donc ne vous fiez pas aux chiffres. Voilà. C'est-tu clair ça, non, hein? Donc, pour les auditeurs, pour ceux qui auront, qui écouteront le palmarès vendredi, ben, ils entendront même pas la position numéro 19. C'est dommage. C'est poche, hein? C'est de la faute à qui, ça, tu penses? C'est de ma faute à moi, mais ça va rester dans le palmarès, je suis sûr, la semaine prochaine. Ça va même occuper, ça va avoir monté dans le palmarès, cette pièce, donc on pourra la réentendre. Dans le Panthéon. Ça, pour toujours, ce sera dans le Panthéon des palmarès, c'est fou. Dans les annales. T'aimes ça, annales? Oui, c'est sûr. Ça va être là aussi. Ça va être, partout. Et donc, bien placé comme autre. On s'en va dans ce petit bloc de... C'est un très bon OK, ça, bravo. Merci, Krim, pour une fois que j'ai réussi à le faire comme ça. C'est tellement un insight, tout le monde s'en fout. Hey, comme l'émission de Mathieu, Mathieu Dugal, as-tu vu son émission « Tout le monde s'en fout » Non, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau, c'est à Vox. Et c'est à notre équivalent, station sœur, c'est comme dans notre famille, par la fesse gauche. Shiz, parce que okay. La station de radio Shiz. Oui, évidemment. Donc, une nouvelle émission animée par Mathieu Dugal là-bas, qui est à la radio comme ça pendant une heure. Là. Et puis, le gars est dans une grande tour technologique, là, comme une bâtisse qui a été construite à Québec, le Bling quelque chose. Là. Pas. En tout cas, bref, il fait son émission là-bas avec des invités. C'est super bien fait. C'est filmé avec des caméras photo, haute définition. Des caméras photo, le tout petit, là. Mais haute définition. Il y a comme une équipe là, de genre 4-5 caméramans qui filment ça. Et puis, avec des micros, tout ça, brandé Shiz et tout. Ça joue pendant une heure à Shiz et après ça, ils font un montage vidéo. Donc, vraiment, pendant l'émission, tu vas avoir des montages de photos là, par-dessus la musique. Tu vas avoir des vidéos là, super intéressantes. Donc, tu as vraiment comme l'aspect vidéo, l'aspect audio. Et c'est en plus sur le web. Donc, vous pouvez aller voir cette émission là sur le web, c'est super bien fait. Waouh, c'est vraiment intéressant ça. Et c'est en version d'une demi-heure à Vox, donc dans le fond, la deuxième demi-heure est complètement musicale pour les auditeurs de Shiz. C'est génial, tout le monde s'en fout. C'est le nom de l'émission avec Mathieu Dugal. Waouh, c'est cool, j'adore Mathieu Dugal. Et bien, il était à Shiz en lui avant d'avoir son émission à Télé-Québec. Et un pad super de la mode. Très, la mort. Très, très beau pad. Et puis d'ailleurs, son émission, l'émission, je me souviens pas du nom de l'émission à Télé-Québec. Culturelle, là, ouais. Ouais, c'est ça, mais elle était vraiment produite à Québec, là. C'est quand même rare. C'est une émission qui était diffusée partout dans la province, mais qui était vraiment produite là-bas. Puis c'est ça, c'est un ancien de Shiz, donc c'est pas surprenant de le retrouver aujourd'hui à Shiz. Tout à fait, tout à fait. Cherche le nom de l'émission, là. Exactement, c'est ça que tu me vois faire en ce moment. C'était quoi, je n'ai pas l'affaire. Animateur québécois à la radio-télévision, blabla. Il est né à Paris. Mais né à Paris, pour vrai, je savais pas ça. Waouh, émission primaire, blablabla, blablabla. Retour d'ascenseur, non, c'est pas intéressant du tout. Méchant contraste, Caroline, ça a pris 30 secondes. Et voilà. Ah, bon, mais parle-moi de ça, toi. Très bonne émission, c'est dommage que ça existe plus, ça a duré 2 ans. Puis maintenant, il y a quelque chose d'autre qui a pris un peu l'équivalent, là, j'imagine. Ah, ben c'est tout le temps ça, Télé-Québec. Hein. Ouais. Les émissions ne durent pas bien longtemps. Bon. Donc, tout le monde s'en fout, je vous rappelle, c'est le nom de l'émission. Allez sur Facebook et puis cherchez des renseignements là-dessus. C'est là que tout se centralise de nos jours. Vive Facebook. Je disais donc, avant cette parenthèse-là, qu'on va sauter dans un bloc classique Gold Hit, Petite Étoile de C'est Fou. Hein? On va entendre un bloc de simili alphabet des palmarès en même temps que d'être des classiques goldés, c'est aussi alphabétique et c'est toi qui as choisi la lettre de départ. Et oui, et j'aimerais ça que tu nous rappelles pourquoi on fait un alphabet des palmarès aujourd'hui. C'est-tu parce que c'est facile? Oui, c'est ça. Ah, youpidou! Hey, j'aime ça gagner à tes petits quiz, là, c'était cœur. Hein. Voici Malajub et les bataillons. Oui, donc ça va être M, N et O. M, N et O. Les trois lettres. L-M-N-O-P, Casey, L-M-N-O-P. partage dans la vie. Un essaim sur la peau, 100% à la vie. Mais non, moi jamais mort. Dans mes mains le futur et des cyborgs. Tout est parfait. Jamais tombé. Plus le temps d'avoir mal. Si la vie m'a menti, je m'approcherai du diable. Dans mes mains le futur et des âmes si que oui, tout est parfait, c'est merveilleux, la vie va tellement bien. C'était un numéro qu'on vient d'entendre, et juste avant, c'était la lettre M, Malajube avec le bataillon, donc petit bloc alphabétique, classé selon le système de Reese. Non, c'est qui déjà le système là, des bibliothèques? Là? Je sais pas, c'est pas Alpha, non? Non, ça a un nom, c'est le système de Dewey. Je savais que c'était un des personnages de Malcolm in the Middle. Pour vrai, c'est Dewey. Non? Dewey. Cool. Dewey Decimal System, le système décimal de Dewey. Hey, t'as parlé juste avant de parler de Dewey et de Malcolm in the Middle, t'as parlé de Malajube qui ont joué juste avant numéro. Et Malajube sont ce soir en spectacle d'ouverture de Montréal en lumière. Hein? À Montréal, ça commence ce soir. Le spectacle est gratuit. C'est au Vieux-Port de Montréal. Donc, spectacle de Malajube gratuit à l'extérieur pour lancer le festival Montréal en lumière. C'est tout un hasard, ça, qu'on joue quelque chose et qu'en par le fait même, ils sont en spectacle. C'est jamais vu sur la radio. Incroyable. On aime beaucoup ça. On va se quitter ici, hein, parce que l'assemblage requis commence dans 5 minutes. Hein. Profitez-en pendant que ça dure encore. Il nous reste la lettre O à entendre. C'est la formation OK Volca. Ouh! Ouh! Et la pièce s'appelle L'Ataraxie des sangs bleus. C'est ce qu'on va entendre dans quelques secondes. Vous êtes dans la fin des Palmarès, c'est vous, au 89 FM. Finis ça de façon agressive. Ouais, ben moi, fesse dans le dash, hein, tu sais, c'est ça qu'il faut à ces fous. Fesse dans les dents.